je les aime tous au canamé. Je les aime tous au canamé. Je les aime tous au canamé. Du coup je veux tous les tuer. Les autres sont partis à la mer. Moi j'ai bibi tout l'été. Maman piétine-moi, le paradis est sous tes pieds. Tu parles à quoi mon chinois quand je me noter sous les pieds. Ils maudissent le diable en public, mais lui obéissent en privé. La France n'est qu'une petite Amérique, ou bien c'est juste un grand quartier. Marseille a ses palmiers en plastique, mais des armes bel et bien en acier. Je m'en bats les steaks de leurs articles et de leur vérité photoshopée. Rebeu nouveau, héros noir moderne, en showcase devant la brigade mondaine. Les bras en croix comme étoile de mer, mon couple est tagué sur une toile de maître. Je fais des fautes d'orthographe, même à l'oral. J'ai des fous rires nerveux dans mon mémorial. Dans 150 mètres carrés habitables, je rappe pour casser leur structure pyramidale. Oh. J'ai plus confiance en l'homme depuis que je prends de l'âge. Ils apprennent au perroquet à prononcer le mot cash. J'apprends des critiques, pas des louanges. Franco-algérien, démon ange. Volcan fait de magma et de glace. Tu Xer et Panther dans le clubhouse. Je les aime tous au canamé. Du coup, je vais tous les tuer. Les autres sont partis à la mer. Moi, j'ai bibi tous les deux. Maman piétine-moi, le paradis est sur tes pieds. Tu parles à quoi mon chinois quand je vais te menoter sous les pieds. Y'avait des mères à niquer, vous auriez dû m'appeler. Du nec de l'Algérien, fondu Kylian Mbappé. Mon goût est changé, mais je n'ai jamais baissé la gamme. J'ai peut-être changé, même si j'ai pas rasé la bombe. Omar, le clan, Massoud, Mecca, Luna, Mbappé, Kylian, Alger, Dakar, c'est la Ouma. Est-ce que tu crois en la justice et c'est l'OA? Frère, moi je ne crois aux honoraires de mon avocat. But, prosternation sur la pelouse, pousse la radio pour couvrir leurs écoutes. Coupe la tête du coq et ils courent toujours. Le 9 février au Zénith, ce sera full. Ah, jamais je ne bats en retrait. J'ai une carrière que même l'enfer rejetterait. Une polémique par moi, mais je reste jovial. J'ai plus d'audimat que le mariage royal. Pour le birthday de ma nina, je commande Marine en piñata. Un peu de Selecto dans un bol de banania. Je n'ai pas rasé ma barbe en mémoire de mes ancêtres. Il paraît que les grands peintres ont observé les grands maîtres. Je les aime tous au canamé. Du coup, je vais tous les tuer. Les autres sont partis à la mer. Moi, j'ai bibi tous les deux. Maman, piétine-moi, le paradis est sur tes pieds. Tu parles à quoi, mon chinois, quand je vais te menoter sous les dents. Y'avait des mères à niquer, vous auriez dû m'appeler. Du nec de l'Algérien, vendu Kylian Mbappé. Mon recours est changé, mais je n'ai jamais baissé la gagne. J'ai peut-être changé, même si j'ai pas rasé la bombe.